La mécréance, en arabe, al-kufr, signifie couvrir ou cacher. Dans le vocabulaire islamique, on parle de mécréance majeure, kufr akbar, et de mécréance mineure, kufr duna kufr. La mécréance majeure est le contraire de la foi, et cela veut dire ignorer Allah ou son messager, ou rejeter les annonces et les ordres d'Allah et de son messager après les avoir connus. La mécréance d'ignorance ou kufr al-jahl. C'est le fait d'ignorer le minimum nécessaire à connaître pour être musulman en étant incapable de le connaître. Cette mécréance empêche d'entrer dans l'islam, mais Allah ne punit pas celui qui en est coupable s'il est incapable d'apprendre comme nous venons de l'expliquer. Cette mécréance explique donc avant que l'annonce d'Allah ne soit parvenue au mécréant, comme le dit l'imam Ibn Muhammad Ibn Nasr al-Marwazi. Ignorer l'unicité d'Allah est de la mécréance dans tous les cas, que ce soit avant l'information ou après. Et cette mécréance n'est pas punie par Allah car elle se trouve avant que l'avertissement ne soit parvenu. Ibn Taymiyyah dit « Et la mécréance pour laquelle on est puni n'existe qu'après la transmission du message. » Cheikh Abdel Latif, Ibn Abdelrahman el-Sheikh dit « Quant à la mécréance d'ignorance, sans que la preuve ne soit établie et dans l'incapacité de la connaître, c'est dans ce cas-ci qu'Allah a levé le châtiment jusqu'à ce que la preuve soit parvenue. Ainsi, celui qui ignore l'unicité d'Allah en étant incapable de l'apprendre et adore un autre que lui, il n'est pas musulman à l'unanimité totale de tous les musulmans, même s'il prie, jeûne et qu'il prétend être musulman. Il sera alors caractérisé par la mécréance d'ignorance qui l'empêche d'avoir foi en l'islam et d'être musulman. Mais Allah ne le punit pas tant qu'il n'aura pas été capable de connaître l'enseignement que le prophète a transmis de la part d'Allah. La mécréance de rejet. Exemple, rejeter une information, telle qu'un nom ou un attribut d'Allah, ou de l'existence du paradis ou de l'enfer, etc. Ou rejeter un ordre, comme l'obligation de n'adorer nul autre qu'Allah, l'interdiction d'adorer un autre que lui, l'obligation des cinq prières, et l'interdiction de boire du vin, etc. Ibn Hazm dit, et dans la religion, el-kufr désigne celui qui rejette quelque chose en laquelle Allah a imposé d'avoir foi, après que la preuve de cela lui soit établie en lui transmettant la vérité, qu'il le fasse de son cœur, sans sa langue, ou de la langue sans le cœur, ou par les deux en même temps, ou en commettant un acte qui fut noté comme l'expulsant de la dénomination de croyant. Ibn Qayyim dit, et ainsi la mécréance possède une racine et des branches, et de la même manière que les branches de la foi sont de la foi, eh bien les branches de la mécréance sont de la mécréance. La pudeur est une branche de la foi. Le manque de pudeur est donc une branche de la mécréance. La sincérité est une branche de la foi. Le mensonge est donc une branche de la mécréance. La prière, la zakat, le pèlerinage et le jeûne sont des branches de la foi. Les abandonner est une branche de la mécréance. Juger d'après la loi d'Allah est une branche de la foi. Donc juger par autre que la loi d'Allah est une branche de la mécréance. Et toutes les désobéissances sont des branches de la mécréance au même titre que toutes les obéissances sont des branches de la foi. Et les branches de la foi sont en deux parties, celle de la parole et celle de l'acte. Et ainsi les branches de la mécréance sont de deux types, celle de la parole et celle de l'acte. Or, il y a certaines branches de la parole de foi dont la disparition entraîne la disparition totale de la foi. Et aussi les branches de l'acte et de la foi dont la disparition entraîne la disparition totale de la foi. Et il en va de même pour les branches de la mécréance. Elles sont paroles et actes. Et de la même manière que l'on devient mécréant pour avoir prononcé une parole de mécréance délibérément et qui consiste en une branche de la mécréance, eh bien l'on devient également mécréant lorsqu'on commet un acte qui est une branche de la mécréance, comme lorsqu'on se prosterne pour une idole ou que l'on blasphème le Coran. Et ceci est un principe. Puis il dit, il y a ici un autre principe qui est que la mécréance a deux formes, celle de l'acte du corps et celle du reniement et du refus du cœur. La mécréance du rejet consiste à mécroire en ce que l'on sait être un enseignement du messager venu de la part d'Allah par reniement et refus, comme les noms d'Allah, les attributs, ses fonctions et ses lois. Cette mécréance s'oppose totalement à la foi, sous tous ses aspects. Quant à la mécréance de l'acte du corps, elle se répartit entre ceux qui invalident totalement la foi et ceux qui ne l'invalident pas totalement. En effet, se prosterner pour une idole, exprimer du mépris envers le Coran, tuer le prophète ou l'insulter, tout ceci invalide totalement la foi. Ibn Taymiyyah dit, la mécréance ne peut qu'être soit démentir le messager d'Allah dans ce qu'il informe, ou alors soit de refuser de se conformer à son enseignement tout en sachant qu'il dit la vérité, comme ce fut la mécréance de Pharaon, des Juifs et de ceux du genre. Et ainsi quiconque contredit n'est pas d'accord avec quoi que ce soit de la religion d'Allah, consciemment, c'est un mécréant et il sort de l'islam. L'imam Al-Barbahari dit, quiconque contredit les compagnons du messager d'Allah dans quoi que ce soit de la religion, il a mécru. Et Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman Abu Boutain dit, tout rejet d'une information venant d'Allah ou d'un de ses ordres est une mécréance, que cela soit subtil ou évident. Ibn Taymiyyah dit, quant à celui qui contredit ce que l'on sait être un enseignement venant du messager d'Allah, c'est un mécréant sans aucune divergence. La mécréance de rejet n'existe qu'après que l'avertissement du prophète ne soit transmis. Ibn Khayyim a dit, la mécréance consiste à rejeter ce qu'a apporté le messager, et donc sa condition d'existence réside en la transmission du message. Cela veut dire que lorsqu'un homme n'a pas été averti qu'il est obligatoire de prier ou interdit de boire du vin, et qu'il est incapable de pouvoir l'apprendre, alors cette ignorance n'est pas une mécréance tant que cette personne a le désir d'obéir à Allah et de se soumettre à sa volonté jusqu'à ce qu'il ait été averti par le message du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue. Contrairement au fait d'ignorer l'unicité d'Allah ou la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est valable aussi pour celui qui n'a pas été averti que seul Allah mérite l'adoration et qu'il est interdit d'adorer un autre que lui. Il ne mérite pas d'être puni par Allah tant qu'il n'aura pas été averti. Mais il n'est pas pour autant musulman, vu que le musulman, c'est celui qui n'adore personne d'autre qu'Allah et qui rompt totalement avec l'adoration de tout autre que lui. Ibn Taymiyyah dit, et les savants ne bannissent pas de l'islam celui qui permet une interdiction à cause qu'il vient de se convertir ou qu'il vit dans un désert lointain. En effet, le statut de mécréant n'est donné qu'après la transmission du message. Et Ibn Abd al-Barr a dit, la mécréance est le refus et non l'ignorance. Et ceci est l'avis des anciens et ceux qui suivent leur doctrine parmi les contemporains. La mécréance de rejet se présente sous 5 formes principales. Donc, Ibn al-Qayyim dit, quant à la mécréance majeure, elle a 5 formes. La mécréance par démenti, la mécréance par orgueil et le refus tout en admettant la vérité. La mécréance par dédain, la mécréance par doute et la mécréance par hypocrisie. La mécréance par démenti, c'est de croire que les messagers mentent, et cette catégorie est rare chez les mécréants, car Allah a soutenu ses messagers et leur a donné des signes et des preuves de leur sincérité qui suffit à établir la preuve et à faire cesser tout prétexte. Allah dit au sujet de Pharaon et des siens, et ils rejetèrent ces signes alors qu'en eux-mêmes, ils étaient convaincus de la vérité, par injustice et orgueil. Et Allah dit à son messager, certes, ils ne te démentent pas, mais les injustes rejettent les versets d'Allah. Et même si cette mécréance fut nommée démentie, c'est correct car c'est un démenti de la langue. Pour ce qui est de la mécréance par refus et orgueil, c'est comme la mécréance d'Iblis qui, lui, n'a pas renié le commandement d'Allah et ne l'a pas réfuté, mais il l'a reçu avec refus et orgueil. Et c'est cette mécréance qui est majoritairement celle des ennemis des prophètes, comme Allah nous le narra dans l'histoire de Pharaon et de son peuple. Il dit, allons-nous donner la foi à deux hommes semblables à nous alors que leurs peuples sont nos esclaves? Ainsi se répliquèrent les peuples à leurs messagers. Vous n'êtes que des hommes semblables à nous. Et le verset, les Thamouds, dans leur arrogance, démentirent. Et c'est également la mécréance des Juifs, comme il dit Allah. Lorsque leur venait ce qu'ils connaissaient, ils y mécrurent. Et il dit, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Et c'est aussi la mécréance d'Abu Talib, vu qu'il a admis la vérité et n'a pas douté de sa sincérité, mais son amour et son respect envers les ancêtres l'empêcha de renoncer à leur religion et de témoigner de leur mécréance. Quant à la mécréance par dédain, c'est le fait de se désintéresser du prophète par les oreilles et le cœur, sans le croire ni le démentir, sans lui témoigner d'amour ni d'opposition et sans se préoccuper en aucune sorte de son enseignement. Comme cela arriva avec un homme des Bani Abdelyalil qui dit au prophète, par Allah, je vais te dire, si tu dis vrai, alors tu es trop admirable pour que je te contredise. Et si tu es un menteur, tu es trop affreux pour que je te parle. Quant à la mécréance de doute, c'est que tu ne sois ni convaincu de sa sincérité ni de son mensonge, mais tu doutes de lui. Et ce doute ne peut en vérité perdurer, sauf si c'est le dédain qui pousse à ne pas prêter attention aux signes prouvant sa sincérité, tout particulièrement lorsqu'on les renie, car l'aspect convaincant de ces signes est aussi clair que le soleil en plein jour. Quant à la mécréance d'hypocrisie, c'est le fait de faire semblant de le croire de la langue et de refouler le démenti dans le cœur. Ceci est l'hypocrisie majeure. Et toutes ces formes de mécréance n'existent qu'après avoir appris un enseignement du prophète, puis après le démentir ou le refuser, ou en douter ou s'en dédaigner. Ibn al-Qayyim a dit « La mécréance consiste à rejeter ce qu'a apporté le messager, et donc sa condition d'existence réside en la transmission du message. » En effet, Allah a dit au sujet de la mécréance par démenti « Qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges contre Allah ou dément la vérité lorsqu'elle lui parvient ?» La GN n'est-elle pas le refuge des mécréants? Démentir la vérité ne peut donc se faire qu'après qu'elle soit parvenue à la personne. Et Allah a dit au sujet de l'orgueil et du refus. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enorgueillit et fut au nombre des mécréants. Ce n'est donc qu'après qu'Allah ait ordonné de se prosterner qu'il eût été possible de refuser. Par contre, avant qu'Allah ne l'ordonne, on ne pouvait pas dire que celui qui ne se prosternait pas refusait d'obéir.